très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Tout de suite, c'est Histoire vivante autour, toute cette semaine, de Benjamin Netanyahou. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Aujourd'hui, Israël prend une nouvelle direction. Cette semaine, la fin du rêve sioniste. Nous croyons que chaque citoyen d'Israël, profil et revers de Bibi, pourquoi criez-vous après la presse? Après tout, non. En compagnie de Jean-Pierre Filiu. En suivant Netanyahou, on comprend ce qu'Israël est devenu aujourd'hui et éventuellement ce qu'Israël pourrait être sans Netanyahou, tant sa personnalité a influencé au cours des dernières années l'État d'Israël et le mouvement sioniste en général. Jean-Pierre Filiu, vous savez que d'ordinaire, à Histoire vivante, on aime laisser le soin aux gens de se présenter tel qu'ils l'entendent. Comme ce n'est pas la première fois que vous vous présentez à ce micro, je vais donc vous épargner cette sempiternelle tâche et attaquer droit au but par une question qui m'est venue par avance. Avez-vous souvent été censuré? Ah, c'est une excellente question. Je crois pouvoir affirmer qu'à ce jour, je touche tout le bois que je peux, je ne l'ai pas été. Et je m'efforce de ne pas m'auto-censurer, ce qui, au Moyen-Orient, est, je dois l'avouer, une performance de tous les jours. Je vous pose évidemment cette question parce que, si les auditeurs ne sont pas forcément au courant, il est intéressant un peu de lever le voile. Dès lors qu'on aborde certains sujets, rapidement, il y a des frémissements qui peuvent aller parfois jusqu'à la plainte juridique. Il va être question cette semaine de votre ouvrage « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste ». Je devine par avance, sachant que ce n'est pas la première fois que j'aborde le sujet dans Histoire vivante, qu'il pourrait y avoir du frémissement et du juridique. Nous verrons bien. En attendant, ravi de vous accueillir. Merci à vous. On va entamer ce premier chapitre que j'ai choisi d'intituler « Un instrument idéal ». Vous allez savoir tout de suite de quoi il est question, puisque dans vos premiers chapitres, Jean-Pierre Filiu, vous choisissez de faire un peu le focus, un rappel historique sur un personnage, le Moufti de Jérusalem, Husseini. Husseini, qui est-il? C'est un homme jeune. Est-ce que vous pouvez arriver à nous le situer, situer les conditions de sa nomination en tant que Moufti de Jérusalem? Un choix qui ne doit peut-être rien au hasard. Et dans quelle mesure, puisque je vous laisserai un peu largement la parole, vous arrivez à incluer dans votre réponse quelle est la logique britannique qui permet d'arriver à ce choix-là? Oui, effectivement, c'est un phénomène très important et on peut dire à tous les points fondateur. Alors, rappelons le contexte. Donc, en la Grande-Bretagne, en 1917, par ce qu'on appelle la déclaration Balfour, une lettre de son ministre des Affaires étrangères, officialisait son soutien à l'entreprise sioniste, donc à l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine. À l'issue du premier conflit mondial, la Grande-Bretagne obtient de la Société des Nations un mandat sur la Palestine, un autre mandat sur l'Irak. Elle va retrancher de son mandat sur la Palestine le territoire de la Transjordanie, c'est-à-dire l'actuelle Jordanie. Donc on se retrouve avec un mandat qui va de la Méditerranée jusqu'au Jourdain. Sur ce territoire, on a 10% de population juive et 90% de population arabe. La population juive souscrit à un mandat qui consacre le projet sioniste. En revanche, la population arabe refuse de collaborer avec les autorités mandataires à partir du moment où celles-ci assoient leur action sur la promesse faite à l'exécutif sioniste. Donc on a un boycott des institutions du mandat. Et donc un vrai problème de gestion pour les Britanniques de ce territoire à la fois très sensible et qu'ils ne voudraient pas voir devenir hostile. Donc leur institution administratives, leurs conseils élus sont des coquilles vides. Donc ils vont créer une institution tout à fait artificielle sur la base d'une centralisation administrative tout à fait artificielle autour de Jérusalem. Il faut voir que Jérusalem n'était pas du tout la ville la plus importante de Palestine. Elle était bien moins peuplée que Jaffa, Acre, que Naplouse ou même que Gaza. Mais les Britanniques vont instaurer une administration autour d'un gouverneur qui est résident à Jérusalem, avec donc une hiérarchie des sous-gouverneurs, des commandants de district de type pyramidal. Donc ils ont besoin d'un arabe qui soit leur interlocuteur à Jérusalem. Du côté juif, ils ont l'organisation sioniste qui évidemment se prête tout à fait à la manœuvre. Et donc comme ils n'ont ni dirigeants élus, ni fonctionnaires complaisants, eh bien ils vont inventer littéralement le grand moufti de Jérusalem. C'est pas du tout une tradition islamique, il y avait des mouftis à Jérusalem. D'abord ils n'étaient pas grands, ils étaient responsables donc comme moufti de l'administration des affaires religieuses pour la ville sainte, mais ils n'avaient aucune responsabilité en dehors de Jérusalem. Alors là, ce grand moufti, eh bien, il a autorité sur les petits mouftis de Jaffa, de Haïfa, de Gaza et d'ailleurs. Que recouvre le titre de moufti ? Alors moufti, c'est la même racine que fatwa, un terme qui a suscité légitimement beaucoup de débats, mais la fatwa au sens propre, c'est un avis juridique. Donc ça veut dire que le moufti est l'autorité religieuse qui émet des consignes de validation ou d'interdiction sur la base d'une interprétation de la loi islamique. On peut donc le considérer comme juriste. C'est la plus haute autorité légitimante dans une structure islamique. Donc c'est beaucoup plus qu'un juriste, c'est quelqu'un qui dit le droit au nom soit de la puissance islamique présente, soit, et c'est là où on est dans l'invention, d'une puissance coloniale qui est en l'espèce la Grande-Bretagne mandataire. Donc tout ce long détour pour expliquer qu'il y a pas de grand moufti à Jérusalem avant l'arrivée des Britanniques. Et qu'ils ont besoin d'un grand moufti pour avoir un interlocuteur. Donc, en fait, les Britanniques, ce sont eux qui vont islamiser la question de Palestine. Parce qu'ils vont faire d'un dirigeant islamique leur correspondant, leur interlocuteur, et finalement le représentant des Arabes, y compris d'ailleurs des Arabes chrétiens, ce qui ne manque pas de contradictions. Donc cette islamisation de la question palestinienne, elle ne va pas de soi. Elle n'est pas portée en tant que telle par la nature religieuse de la ville de Jérusalem. C'est une création britannique, on ne le rappellera jamais assez. Alors Amin al-Husseini, bon, on lui accole le titre de Hajj, qui veut dire tout simplement qu'il a fait le pèlerinage à la Mecque, mais surtout on lui accole parce qu'il est très jeune quand les Britanniques le nomment à cette fonction. Donc je rappelle, c'est le fait du prince colonial, hein. Ce n'est pas du tout l'émanation d'une décision collective. Et il le nomme parce qu'il appartient à la plus grande famille de Jérusalem, les Husseini, qui est traditionnellement opposée à l'autre famille des Nachashibis, qui jusque-là était maire de Jérusalem. Donc c'est un jeu de bascule, hein, colonial, tout à fait classique, divisé pour régner, qui se fonde sur ce qu'on a pu appeler la politique des notables, hein, c'est-à-dire on divise en fait les Palestiniens entre pro-Husseini, pro-Nachashibis, pour jouer les uns contre les autres. Mais la grande nouveauté, c'est qu'on donne à ce grand moufti le pouvoir sur un conseil suprême islamique. Alors ça, on n'a jamais vu ça. Et donc on structure sur le mode hiérarchique d'une administration occidentale, une administration religieuse qui gère les biens de main morte, ce qu'on appelle les waqf, qui sont très importants en Palestine, parce que la Terre Sainte a évidemment suscité toute une série de fondations pieuses, de dotations au fil des siècles, qui constituent un patrimoine très important. Alors évidemment, on a les mosquées et leurs dépendances, mais on a aussi des écoles, on a des orphelinats, on a des hammams, voire tout simplement des propriétés foncières, dont les biens sont affectés à l'entretien de ces différentes fondations pieuses. Donc on dote le moufti d'un pouvoir très concret de ce temps. Et du coup, comme on n'a pas réussi, du point de vue britannique, à organiser des élections pour l'administration mandataire, on va organiser des élections pour le Conseil suprême islamique. Et on va transférer la vie politique palestinienne dans une enceinte islamique. Donc là encore, ça n'avait rien d'évident. Et donc l'islamisation est mixée de manière tout à fait exotique avec des processus électoraux. Et les Palestiniens qui considèrent qu'ils ne peuvent pas éternellement être absents de la gestion des affaires de leur propre pays vont pour le coup participer aux élections du Conseil suprême islamique, où on va retrouver la distinction entre les pro-Husseini, les pro-Nashashibi, aussi bien à Jérusalem que dans les différents échelons locaux. Donc c'est ainsi que le grand moufti devient cette figure paradoxale qui est l'interlocuteur choisi par les Britanniques et en même temps la figure de plus en plus nationaliste dans laquelle les Palestiniens se reconnaissent par défaut parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire émerger un leadership politique digne de ce nom. Jean-Pierre Filliou, on peut être étonné de cette participation de l'armée palestinienne, vu que cette fabrication administrative relève vraiment, d'après vous dire, du hors-sol absolu, les gens étant relativement peu concernés, on se tourne peu vers eux pour ça, mais on se tourne vers eux au moment où on a besoin d'un soutien, en quelque sorte, de la rue, du relais, en quelque sorte. C'est là où, effectivement, on a une dialectique de l'islamisation. L'islamisation ne va pas de soi. Jusqu'en 1920, la résistance, à la fois au projet colonial et à la colonisation sioniste, elle est menée sur la base de ce qu'on appelle les comités islamo-chrétiens. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et c'est juste un autre mot pour dire arabe. Mais on voit bien qu'à partir du moment où il s'agit de gérer les biens considérables que j'évoquais, biens considérables en termes fonciers, en termes financiers, mais aussi en termes symboliques. On parle du troisième lieu saint de l'islam, de l'esplanade des mosquées, de la mosquée d'Omar, de la mosquée d'El-Aqsa, ce qu'on appelle en arabe le Haram Sharif, le noble sanctuaire. Il est évident que la compétition entre les élites palestiniennes pour participer à la gestion de ces biens va être très rapide. Et bien sûr, au début, on est conscient de la manœuvre britannique, mais très vite, on oublie qu'on est le jouet, d'autant que les Britanniques eux-mêmes affichent une forme de politique musulmane, là aussi ils ne sont pas les seuls, les Français font la même chose dans leur empire, l'idée que la République française protégerait les musulmans d'Afrique du Nord, assurerait la sécurité de leur pèlerinage à la Mecque, aurait une forme de clergé musulman, si j'ose cet oxymore, qui serait validé par la République. C'est quelque chose de très français et les Britanniques vont faire la même chose, d'autant qu'ils ont, avec l'Empire des Indes, un intérêt très important pour que les musulmans jouent le jeu face à la montée d'un nationalisme que les Britanniques essayent de réduire à l'hindouisme pour que ça ne devienne pas justement un nationalisme indien. Donc on va valoriser Jérusalem et les Britanniques vont même laisser donc le grand moufti Husseini organiser à Jérusalem des conférences pan-islamiques sur le sort de la ville sainte où ils apparaissent au fond comme les parrains bienveillants de cette forme d'islamisation. Donc le processus est à l'œuvre, hein. On voit bien qu'il va finir par piéger tout le monde, mais il n'était pas fatal. C'est ce que je me permets de rappeler, c'est l'évidence pour un historien. Jérusalem 1917, la Palestine est sous domination ottomane. Comme la plupart des Arabes, le jeune Muhammad Amin al-Husseini déteste les Turcs. Issu d'une grande famille de Jérusalem, il rêve d'une Arabie libre. Pour se débarrasser de l'occupant, les Arabes combattent aux côtés des Britanniques, qui leur promettent en échange la liberté et l'indépendance. Un jeune homme issu d'une grande famille, Husseini, est parvenu à devenir, pour la première fois de l'histoire de cette région-là, un grand moufti. L'action se passe à Jérusalem. Husseini, tout jeune homme, va donc passer à l'exercice même, autrement dit à la pratique. Il va se révéler d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut, sur un premier étage, Jean-Pierre Filiu, sachant qu'il sera après question, ô combien de logiques d'alliances, lesquelles se trouveront à être relativement empoisonnées, mais d'abord s'intéresser aux premières alliances, sont-elles d'ordre idéologique, pragmatique? Comment se débrouille-t-il avec cette fonction sur les bras, ce jeune Husseini? Il va fondamentalement essayer de valoriser à son profit la charge symbolique énorme de l'esplanade des mosquées, en organisant des travaux sur ce que les musulmans appellent le Burak Sharif, et ce qui est juste au-dessus du mur occidental, donc du Kotel, du mur des lamentations, le lieu le plus saint du judaïsme, qui considère que l'esplanade des mosquées correspond au mont du temple. Et donc, en 1929, on va avoir des émeutes, car les célébrations des uns interfèrent avec les célébrations des autres. On aura à peu près autant de morts, de l'ordre de 150 du côté arabe et du côté juif, mais ces émeutes de 1929, dont les sionistes attribuent la responsabilité au moufti Husseini, creusent un fossé inédit entre juifs et arabes en Palestine, notamment du fait de l'exode des communautés juives à Hébron, à Safed, à Gaza, qui y vivaient depuis un temps immémorial. C'est la fin, dans le mouvement sioniste, de l'hypothèse binationale, qui avait rallié beaucoup de libéraux autour de ce qu'on appelait le bloc de la paix. Et donc, il y a cette idée d'une impossibilité de vivre ensemble sur la même terre, et qu'effectivement il faudrait pour les juifs d'une part et les arabes d'autre part un état séparé. Ce sont les premières réflexions sur la partition. Donc c'est 90 ans cette année. Tout à fait. Ouais. Et effectivement, c'est là aussi, c'est un processus historique. Hein. Les émeutes de 1929 sont aussi très médiatisées dans la presse occidentale. Il y a notamment des reportages très poignants d'Albert Londres. Et donc, on a déjà le début d'une diabolisation des Arabes, l'assimilation de leur violence à celle des Cosaques et des pogroms. Hein, donc toute la construction d'un ennemi, hein, alors que je le rappelle, le bilan a été relativement équilibré dans ces émeutes sanglantes mais limitées. Et donc Husseini va se prendre au jeu de l'émeute, se prendre au jeu de ce grand conflit désormais chargé de toutes les références les plus importantes pour le judaïsme et pour l'islam, et en rajouter dans des prêches de plus en plus enflammées. Mais en 1936, quand éclate ce qu'on appelle la grande révolte, mais en arabe c'est Saoura, c'est-à-dire la révolution, au fond, il est leur chef, donc il les suit. Il est obligé de se rallier à un mouvement qui le dépasse, qui part de la base palestinienne et essentiellement des campagnes palestiniennes qui sont soumises à une pression inédite du fait de l'accroissement très important de l'immigration juive en Palestine au cours des 3 années précédentes, accroissement lui-même dû à l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933. Donc on a une grève générale de 6 mois en 1936 qui est suspendue parce que le coût pour la population palestinienne est exorbitant. Et Husseini va être à un moment littéralement assiégé sur l'esplanade des mosquées par les Britanniques qui veulent sa reddition. Et il va s'échapper et trouver refuge à, comme c'est étrange, à Beyrouth sous autorité française, car les Britanniques ont dans les Français, comme toujours, leurs meilleurs ennemis, les Français étant persuadés que les Britanniques alimentent le nationalisme arabe en Syrie, et donc du coup, croyant rendre leur monnaie de la pièce à la perfide Albion, accueillant Husseini. Husseini va ensuite rejoindre Bagdad, où en 1941, il pactise avec la junte pro-nazie locale et où il commence à entretenir une correspondance nourrie avec Hitler et les dignitaires nazis en proposant de se mettre à leur service dans le cadre du deuxième conflit mondial. Empfing den Großmufti von Jerusalem, einen der einflussreichsten Männer des arabischen Nationalismus. Der Großmufti ist das religiöse Oberhaupt der Araber in Palästina und gleichzeitig deren oberster Richter und Finanzverwalter. Wegen seiner nationalen Haltung verfolgten ihn die Engländer erbittert und setzten auf seinen Kopf einen Preis von 25.000 Pfund aus. Auf abenteuerlichen Wegen gelangt er über Italien nach Deutschland. Au travers des différentes recherches que j'ai pu mener dans la préparation de cet entretien, Jean-Pierre Filiou, autour de votre ouvrage, avec lequel nous allons passer toute la semaine, ouvrage intitulé « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste », j'ai essayé de trouver une trace archivistique de cette rencontre entre Hitler et Husseini. Je ne sais pas si vous avez, vous, des éléments là-dessus. J'ai un compte-rendu d'un gradé allemand qui est présent probablement le jour de cette rencontre et qui acte à la troisième personne. Ceci, un tel a fait ça, un tel a fait ça. C'est ce qu'on a dans les mains actuellement ? Effectivement, ce sont donc les archives allemandes. Donc Husseini, après la chute de la junte pro-nazie à Bagdad, va, après un itinéraire compliqué, rejoindre l'Allemagne et être effectivement reçu par Adolf Hitler à la fin de 1941, le compte-rendu de cet entretien des archives allemandes ayant été traduit et mis à disposition par les Britanniques après la Deuxième Guerre mondiale dans le cadre de la diffusion des documents nazis après la victoire alliée. Alors on a affaire, a-t-on affaire, plus exactement, il vaudrait mieux le poser en question, a-t-on affaire à un rendez-vous important, un rendez-vous constitutif d'un projet? Ou bien a-t-on affaire à un rendez-vous comme un autre, lequel rendez-vous, je rappelle quand même l'intitulé de cet épisode aujourd'hui qui est un instrument idéal, a-t-on affaire à un rendez-vous dont le contenu, quoique fort maigre, va être considérablement alimenté, instrumentalisé, Jean-Pierre Filiou. Alors, l'entretien est important pour Adolf Hitler. Est important, Hitler, ah, hein. Oui. Donc là, je renvoie, il y a un livre tout à fait important qui vient d'être publié en langue française, un livre de David Motadel, Les musulmans et la machine de guerre nazie, c'est sorti chez La Découverte, donc livre qui avait déjà été publié il y a quelques années à Harvard University Press. Et donc, il faut voir qu'Hitler est convaincu qu'une politique musulmane peut profiter au projet nazi. Mais là encore, de même que les Britanniques avaient créé artificiellement la catégorie du grand mufti, les concepts qu'Hitler a sur l'islam sont très théoriques, ils sont très marqués par un orientalisme allemand qui essentialise l'islam, plutôt que de comprendre ce que sont les musulmans. Et donc il y a cette idée que le grand mufti serait l'équivalent de la plus haute autorité dans l'islam, comme les Allemands, pendant la Première Guerre mondiale, avaient misé sur le sultan calife d'Istanbul, qui avait proclamé le djihad au profit des empires centraux, sans d'ailleurs que cet appel ait été, ou que ce soit, suivi d'effet. Mais bon, ce djihad made in Germany, comme les historiens anglophones l'appellent avec un peu d'ironie, donc il a été tenté, il a échoué pendant la Première Guerre mondiale, mais Hitler va le tenter une deuxième fois, et c'est un peu le sens de son entretien avec Husseini, qui concerne au fond beaucoup plus pour lui ce qui peut être fait sur le front de l'Est, avec les musulmans de Crimée, du Caucase, voire d'Asie centrale, qu'au Moyen-Orient. Quant à Husseini, lui, bon, d'abord c'est un très piètre politique, c'est un mégalomane tout à fait confirmé, et puis c'est désormais un antisémite affiché qui multiplie les déclarations incendiaires et qui croit réellement que adossé à Hitler, comme d'ailleurs il avait pu être adossé aux Britanniques au début de sa carrière politique, il pourra reprendre le pouvoir en Palestine. Donc c'est la rencontre de deux égos totalement surdimensionnés, mais aussi c'est la rencontre de deux incompréhensions. Hitler qui croit que le grand moufti est effectivement une autorité dans l'islam, ce qu'il n'est pas, et Husseini qui croit qu'Hitler d'abord va gagner, et qu'il est donc utile, intéressant, opportun de s'adosser à la puissance dominante pour recouvrer son pouvoir en Palestine. Je rappelle qu'il est coupé des réalités palestiniennes depuis 4 ans, depuis son exil, et qu'il a des visions très déformées, et d'après tout ce qu'on a pu consulter, totalement erronées de la réalité de l'opinion arabe en général et de la réalité palestinienne en particulier. To exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews. And Khaja Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. He said, burn them. Oui, alors on a fait effectivement un grand saut dans le temps, puisque la voix que nous venons d'entendre nous rapproche quand même un peu de notre héros, je mets le mot évidemment entre guillemets, de la semaine, Benjamin Netanyahu, puisque nous parlons avec Jean-Pierre Filiu, de son dernier ouvrage, « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste », ouvrage paru aux éditions La Découverte. Eh bien, vous l'avez compris, ou si vous ne l'avez pas compris, on peut très rapidement vous traduire ce que Benjamin Netanyahou vient de prononcer, Jean-Pierre Filiu. Il fait référence à cette rencontre dont nous parlions juste avant. Donc on est au congressionniste... à Jérusalem, Netanyahou très étrangement s'exprime en anglais, alors qu'on aurait pu croire que l'hébreu était la langue attendue de la part d'un premier ministre d'Israël accueillant les délégations sionistes du monde entier. Un effet de jet lag, l'homme voyage beaucoup. L'homme voyage beaucoup, et puis il pense que l'anglais est la langue planétaire, ce qui aussi tranche avec beaucoup de ses prédécesseurs à la tête du gouvernement d'Israël. Et il lâche littéralement cette bombe. Et j'ai rencontré quelqu'un qui était présent dans le public et qui a cru à une erreur de traduction, qui a cru que ce n'était pas possible de dire quelque chose d'aussi énorme. Ce n'était pas possible de dire que ce moufti Husseini, antisémite, collaborateur, collaborationniste, tout ce qu'on veut, mais que c'était le moufti Husseini qui aurait inspiré à Adolf Hitler, à la fin de 1941, l'idée même de la solution finale. Alors là, le scandale est immédiat. Il est d'abord considérable en Israël même, et les premiers qui élèvent la voix, ce sont mes collègues du mémorial Yad Vashem, donc dédié à l'histoire de la Shoah à Jérusalem, qui s'élèvent contre cette imposture historique aussi manifeste. On a des déclarations très vives, notamment de la part d'un autre collègue, Eli Barnavi, qui a été ambassadeur d'Israël en France, qui parle, je cite, guillemets, de prostitution de la Shoah, fermez les guillemets. Et puis on a cette situation invraisemblable de la chancelière allemande, Angela Merkel, qui est obligée de corriger le Premier ministre israélien qu'elle accueille le lendemain en visite officielle, en rappelant la responsabilité pleine et entière, y compris intellectuelle, des Allemands dans la solution finale. Donc c'est effectivement, pour moi, le mensonge de trop, en tout cas celui qui m'a motivé pour écrire ce livre consacré à Netanyahou. Pierre Filion, on va se retrouver demain pour la suite de cette découverte de votre ouvrage. J'en rappelle le titre, Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste. C'est paru à La Découverte. Demain, on qualifiera ou on baptisera plus exactement l'épisode Origine de pensée et découpage. À demain. Une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de David Golland, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.